Souvenirs d'un marchand de tableaux, chapitre 8, amateurs et collectionneurs. Monsieur Isaac de Camondo, le roi Milan, Monsieur Denis Cochin, les manias de la nouveauté, amateurs devant les tableaux. L'américaine et le vieux château français. Première partie. Venus au monde sous l'emblème du croissant, les aïeux de Monsieur de Camondo, en mettant le pied en Europe, n'avaient pas hésité à abandonner babouches et fez pour adopter bottines, chapeaux melons et, avec le temps, particules nobiliaires. Cependant, chez Monsieur Isaac de Camondo, jaquette, chapeau melon, voire abonnement à l'opéra et écurie de course, ne devait pas suffire à épuiser sa neuve activité d'homme du monde. Il crut devoir s'intéresser aussi aux manifestations de l'art. Et avec ce flair qu'il n'apportait pas seulement aux choses de la finance, le banquier de la rue Gluck avait compris que l'amateur, qui ne voulait pas passer pour arriéré, se devait de regarder du côté de l'impressionnisme. Mais si M. de Camondo acceptait de se mettre sur l'art d'avant-garde, encore fallait-il que ce fût sans heurter la tradition. De sorte qu'avant que fût prononcé par lui le dignus intrare, les toiles étaient soumises à un examen des plus sévères. Cet examen se passait le dimanche, à l'issue d'un déjeuner où étaient conviés des peintres auxquels leur hôte n'achetait pas de tableaux, ce qui, à ses yeux, conférait à leur jugement une garantie d'impartialité. Donc, à l'heure du café, en même temps que les liqueurs et les cigares, les domestiques faisaient circuler les tableaux apportés en communication. Un lundi, j'étais allé m'informer si l'on gardait une toile de baigneuse de Cézanne que j'avais présentée quelques jours auparavant. Je fus introduit dans une pièce qui était le salon des refusés et où je vis mon tableau. Dans une pièce voisine, deux domestiques causaient entre eux. « Tu as entendu hier le type qui disait devant le tableau de femme nue, qui est là à côté, « Quel beau morceau de faïence !»« Il est un peu louche, le frère, que je me disais. » »« Eh bien, en promenant le club ce matin, je me suis arrêté devant la vitrine de la brocanteuse au coin de la rue pour regarder un grand plat bleu qui est en montre. C'est épatant, mon vieux. » Maintenant que je revois le tableau, moi aussi, je trouve que c'est comme une faïence. » À ce moment, M. de Camondo entrait, accompagné d'un grand jeune homme qu'il conduisit directement devant le Cézanne. « Je voulais, avant de rendre cette toile, vous la faire voir. Croiriez-vous qu'un critique disait, ici, pas plus tard qu'hier, « Quelle belle faïence !» Tout le monde sait bien que ce n'est pas Cézanne, mais Renoir qui a peint sur faïence. » Monsieur de Camondo sourit. « Parce que j'aime me renseigner, certaines gens s'imagineraient que j'achète avec mes oreilles. Vous pourrez leur dire à tous ces gaillards-là que j'ai aussi de bons yeux pour regarder. » Monsieur de Camondo s'aperçut de ma présence. « Ah, vous voilà, monsieur Volard !» Et, me montrant le Cézanne, « Qu'est-ce qu'elle représente au juste, votre toile ?»« Mais des baigneuses » fis-je tout interloqué. « Ah, ah, ah, des baigneuses! Voulez-vous me dire dans quoi elles se baignent? Des baigneuses, là où il n'y a pas une goutte d'eau !» Et, s'adressant à la personne qui l'accompagnait, « Vous qui savez tout, dites-moi donc de qui est le mot, rien n'entend plus de bêtises qu'un tableau. » Un jour, Monsieur de Camondo arriva dans mon magasin avec un homme de haute stature, dont les manières exagérément parisiennes décelaient l'étranger. À la déférence que lui témoignait M. de Camondo, je compris que mon visiteur était quelqu'un de marque. J'entendais « Oui, monseigneur, non, monseigneur ». Je ne tardais pas à apprendre que ce personnage n'était autre que Sa Majesté Milan, l'ex-roi de Serbie. Celui-ci, qui voulait passer pour ne rien ignorer de tout ce qui était nouveau en art, avait demandé à M. de Camondo de le piloter dans les endroits d'art avancé. Je faisais alors une exposition de Cézanne. En entrant, Sa Majesté se souvint d'avoir aperçu, quelques jours auparavant, dans ma vitrine, une grande composition qu'elle me demanda de lui faire voir de près. C'était un tableau d'Henri de Groux, représentant des cadavres de rois entassés dans des paniers dont les couvercles soulevés laissaient passer des têtes couronnées et des mains crispées sur des sceptres. Au centre de cette composition, des déménageurs brandissaient une bannière portant l'inscription « Mort aux vaches ». Sa Majesté avait assuré son monocle et contemplait la toile avec une extrême attention. Tout à coup, elle fronça les sourcils. Composant son visage sur celui de son royal compagnon, M. de Camondo s'était écrié. « Comment peut-il être permis d'exposer les œuvres de pareils anarchistes ?» Le roi Milan, se tournant vers moi, « Votre Henri de Groux, monsieur Volard, intitule son tableau « Mort aux vaches ». J'ai beau regarder, je n'aperçois pas la moindre silhouette de Sergot. » « Mais, répondis-je, ne comprenant pas les signes que me faisait monsieur de Camondo, il ne s'agit pas ici d'agent de police, mais de roi. » « Très curieux, » dit Sa Majesté. « Alors mon lexique est incomplet. » Le roi Milan tira de sa poche une petite plaquette dont le titre était « Locutions parisiennes les plus usitées ». Et, en marge du mot « vache », il écrivit « Se dit aussi d'un roi ». Puis il me déclara « Je suis éclectique, j'achète ce tableau. » Une semaine plus tard, toujours escorté de M. de Camondo, le roi Milan revint chez moi. Derrière eux, un chasseur portait le mort aux vaches de De Groux. « J'ai réfléchi, me dit-il, un roi ne peut garder chez lui ce tableau. » Je pensais qu'il allait se faire rembourser, mais mon royal visiteur n'avait pas encore l'aplomb des vieux amateurs. Tout simplement, il venait me proposer d'échanger le tableau. Ayant fait son choix, le roi Milan me demanda de faire porter chez lui, à l'hôtel du Bas-Rhin, son acquisition. Je tins à m'y rendre moi-même, très désireux de connaître un intérieur royal. Une fois introduit, j'observai un domestique qui, d'une fenêtre ouverte, regardait dans la rue. Il donna un coup de sifflet. Un autre domestique courut à la porte d'entrée et y colla son oreille. Tout à coup, il ouvrit la porte à deux battants, et Sa Majesté, en redingote et haut de forme gris clair, fit son entrée. La porte ayant été refermée, le roi ôta son chapeau et le déposa sur le point tendu du valet, comme sur une patère. À ce moment, apparut un personnage tout chamarré d'or qui présenta à Milan son courrier sur un plateau d'argent. De tout temps, j'ai été émerveillé par les galons, par tout ce qui brille sur les manches et sur les couvre-chefs. Aussi ne pus-je m'empêcher de penser que si j'étais le roi, c'est moi qui porterais le magnifique habit doré et le chambellan la redingote. Le roi Milan m'aperçut. « Puisque vous êtes là, il faut que vous voyiez mon pastel de Manet. » Et, avec une agilité étonnante chez un homme de sa corpulence, il monta sur une chaise et sa main gauche chercha sur le haut d'une armoire à glace. « Sapristi, fit-il, où est-il donc passé ?» Il descendit de la chaise. La manche de sa redingote s'était salie. Il l'ôta et, en bras de chemise, À quatre pattes, il passa la main sur le meuble et ramena un rouleau de papier qu'il développa. « Ah, nom de Dieu ! Mon Albert Guillaume, que je croyais perdu !» À force de voir l'ex-souverain se comporter comme tout le monde, Paris finit par se blaser sur son compte. Monsieur de Camondo lui-même, à l'appellation de Monseigneur, avait bientôt fait succéder celle de « mon cher comte ». Le roi Milan voyageait sous le nom de comte de Tacovo. Un jour, quelqu'un me dit « J'ai assisté, chez monsieur de Camondo, à un dîner où se trouvait le roi Milan. On nous a servi un plat d'œufs, des œufs mauves, dont la préparation avait, paraît-il, nécessité 2 jours de soins. » Avec admiration, mon interlocuteur m'avait parlé aussi d'un pâté, un mets incomparable, dans la confection duquel entrait je ne sais plus quel oiseau qu'il fallait faire venir de très loin. Je revis plus tard ce monsieur. Quelques jours auparavant, toujours chez monsieur de Camondo, il avait de nouveau dîné avec sa majesté. « Eh bien, lui dis-je, vous a-t-on encore servi ces fameux œufs mauves et aussi ce pâté ?»« Non, on a mangé du veau au petit pois. » Je crus comprendre que, décidément, la considération pour l'hôte Auguste diminuait en même temps que l'argent se faisait pour lui plus rare. Après la mort de l'ex-roi, sa collection revint à Paris et fut envoyée à l'hôtel des ventes. Ce fut, une fois de plus, pour la presse du boulevard, l'occasion de célébrer l'éclectisme du roi Milan. Monsieur Denis Cochin était le type du véritable amateur qui n'escompte pas, en achetant un tableau, le bénéfice qu'il pourrait faire en le revendant. En un mot, il achetait pour son plaisir. Ce plaisir lui coûtait cher, car, dès qu'il avait acquis un tableau, un autre le tentait, et c'était alors des échanges avec une soulte convenable, convenable s'entend pour le marchand. Un peu comme les enfants qui, recevant un jouet longtemps convoité, le rejettent presque aussitôt, plus ardemment M. Denis Cochin avait désiré une chose, plus vite il s'éprenait d'une autre. J'avais chez moi une toile de Cézanne, un intérieur qui appartenait à un amateur, lequel voulait bien la vendre, mais ne pouvait se décider à fixer un prix. M. Denis Cochin, chaque fois qu'il passait au magasin, admirait le tableau. « Promettez-moi, me répétait-il, de me prévenir dès que votre amateur se décidera. » Enfin, un jour, je pus lui dire « Mon client demande qu'on lui fasse une offre. Je dois le voir demain. » J'en donne tant. Je devais partir ce soir pour plusieurs jours. Je remettrai mon voyage. 2 jours plus tard, dès l'ouverture de mon magasin, je vis arriver M. Denis Cochin. Et ce tableau, il est à vous. Emportons-le tout de suite chez moi. Nous montâmes en voiture. Tout à coup, M. Denis Cochin me dit « C'est un beau tableau, n'est-ce pas ?» Il me semble avoir une ombre passée sur son visage. À mesure qu'on approchait de chez lui, il paraissait plus soucieux et il répétait par moments « C'est vraiment un beau tableau !» Dans son salon, nous plaçâmes la toile sur un mur, puis sur un autre. « C'est un bien beau tableau, » dit-il encore. « Mais voyez donc, il ne s'harmonise avec rien ici. » « Ni avec mon Delacroix, ni avec mon Courbet. Et quant au Manet, décidément, je ne vois pas où je pourrais le mettre. Oh, quel dommage !»« C'est très simple, lui dis-je, je le reprends. » Et je remballai le Cézanne. « En passant devant chez Essel, me dit M. Denis Cochin, j'ai aperçu une petite toile de Renoir qui m'a paru joliment bien. Venez donc la voir avec moi. » Je prétextai un rendez-vous, craignant que si, après avoir regardé le tableau avec moi, l'affaire n'avait pas de suite, Essel ne pût s'imaginer que j'avais déprécié son Renoir. Un peu plus tard, à l'heure du déjeuner, M. Denis Cochin revenait à mon magasin. Il avait le Renoir sous le bras. Oh, « Je n'ai pu résister à la tentation, » me dit-il. « N'est-ce pas que c'est une belle chose ?»« Très beau morceau. »« Je ne rentre pas chez moi, » continua M. Denis Cochin. « Ma femme est à la campagne. Allons déjeuner ensemble. » Pendant que nous nous dirigions vers le restaurant, « Je suis très content, Volard. Ce Renoir m'enchante de plus en plus. C'est bien ennuyeux. Cela m'aurait fait tant plaisir de passer l'après-midi à la maison avec mes tableaux. Mais il faut que j'aille à la chambre. Ribaud nous a fait promettre d'être tous là. Il doit interpeller. « Monsieur Ribaud est un homme éminent, » dis-je. « Oui, et quelle admirable simplicité. J'étais allé l'autre jour le voir dans sa propriété de Longjumeau. Nous passâmes près d'un vieux banc, adossé à un saule pleureur. De nombreuses enveloppes et bandes gisaient par terre. « Voici mon cabinet de travail, » dit le président. Durant le déjeuner, M. Denis Cochin jetait, de temps en temps, un regard sur sa nouvelle acquisition, qu'il avait posée en face de lui sur une chaise. « C'est un beau tableau, n'est-ce pas ? » me dit-il tout à coup, du ton où il me sembla que perçait une légère inquiétude. Je l'assurai qu'on voyait rarement réunis tant de force et tant de grâce. En quittant M. Denis Cochin, je retournai à mon magasin. 2 heures après, je le voyais revenir. Il portait sous le bras un tableau qui me sembla plus petit que le précédent. « J'ai fait un saut jusqu'à la maison, » me dit-il. « Le croiriez-vous ? Le Renoir n'allait pas mieux que votre Cézanne. » Alors, comme j'avais vu ces jours-ci, rue de Sèze, un petit de la Croix, « Comment le trouvez-vous ? Oh, une perle, n'est-ce pas ? Mais je me sauve, je devrais déjà être à la chambre, j'ai promis à Ribaud. » Au même instant, M. de Camondo survint. M. Denis Cochin lui montra son de la Croix. M. de Camondo en fit un vif éloge. Et M. Denis Cochin, je commençais à me demander si ce tableau, tout splendide qu'il est, enfin, me voilà rassuré. Je cours à la chambre. Pourtant, avant la fin de la journée, je devais revoir encore M. Denis Cochin, et toujours avec un nouveau tableau. Voyez-vous, Volard, m'expliqua-t-il en me montrant un petit Manet. « En vous quittant, j'ai passé devant Durand-Ruelle et j'ai vu cette merveille. J'ai pu l'avoir en échange de mon Delacroix, qui m'avait pourtant bien emballé. » M. Denis Cochin resta un moment en contemplation devant le Manet. « Vous allez me trouver bien capricieux, Volard. Mais en y réfléchissant, je ne sais pas si je ne regrette pas un peu le Delacroix. » Il regarda sa montre. Durand-Ruelle est encore ouvert. Je vais aller revoir le tableau. Avez-vous été satisfait du discours de M. Ribaud ? Demandai-je. Oh, sapristi, ce Ribaud, je l'ai totalement oublié. Ma foi, tant pis. Entre nous, vous savez, son discours, je le connaissais d'avance. Très applaudi, sûrement. Quant à avoir une influence quelconque sur la chambre. Mais laissez-moi partir. Vous me ferez rater mon Delacroix. Pendant la guerre, il devait arriver à M. Denis Cochin une bien curieuse aventure. Un jour, les sûretés générales de France et d'Espagne étaient simultanément alertées. On venait d'intercepter un télégramme de Paris à Madrid ainsi libellé. « Accepte prix offert pour tête de la reine » et signé « Denis Cochin ». Ne s'agissait-il pas d'un complot anarchiste ? Et n'avait-on pas tenté de dépister la police en usurpant le nom de l'éminent homme d'État ? Voici ce qui s'était passé. M. Denis Cochin, quelque temps auparavant, était tombé en arrêt, chez un de mes confrères, devant un portrait de reine de Goya qu'il avait acheté sans hésiter. Mais voilà qu'il s'aperçut que le Goya ne tenait pas chez lui. Il le confia pour être revendu à un marchand espagnol qui l'emporta à Madrid et avait trouvé un acquéreur dont il avait transmis l'offre. D'où le quiproquo. J'ai dit plus haut que M. Denis Cochin achetait pour son plaisir. Toutes ces toiles étaient de premier ordre. Quel musée on créerait avec tout ce qui a passé chez lui. De la Croix, Corinne chez les peuples pasteurs. Manet, la serveuse de Bock. La grande exécution de Maximilien, aujourd'hui au musée de Mannheim. Corot, la vue de Rome et l'église de Vézelay, aujourd'hui au Louvre. Goya, tête de la reine. De Manet encore, une course de taureaux. La plus belle de toutes celles qu'a fait le peintre, me disait Renoir. De Cézanne, les joueurs de cartes, aujourd'hui au Louvre, legs Camondo, des natures mortes, des paysages. De Gauguin, une des plus expressives toiles de Tahiti. De Van Gogh, un éblouissant paysage de sa dernière manière. De Degas, une tête de femme qui faisait penser à un Van der Meer. De Corot, j'allais oublier un extraordinaire portrait de femme qui est devenu célèbre après la vente de sa collection, à laquelle M. Denis Cochin se résolut de son vivant. Cruellement éprouvé par la perte de ses deux fils et de son gendre, tombé sur les champs de bataille, très affaibli en outre par la maladie, ces tableaux qu'il aimait, comme un enfant aime ses jouets, ne l'amusaient plus. Imposante figure d'amateur que celle de Chauchard, le propriétaire des grands magasins du Louvre. Chauchard, l'empereur du blanc, comme l'appelaient ses amis. Je n'aurais jamais osé demander à être reçu par ce personnage quasi royal. Mais voici ce que j'imaginais. Lorsque j'avais à faire un achat dans les grands magasins, c'est au Louvre que je me rendais de préférence, me disant que le hasard me ferait peut-être rencontrer ce fabuleux Chauchard. Mon imagination me représentait le satrape de la rue de Rivoli, descendant de son trône directorial et, tel Jupiter, à travers les rayons du magasin, allant à la découverte de quelque séduisante mortelle. Je voyais déjà le mania de la nouveauté me passant une commande de Cézanne, de Renoir, de Gauguin. Un jour, au rayon des faux-cols, j'entendis un murmure. « C'est lui !» C'était Chauchard, en effet. Il s'avançait d'un pas majestueux, quand, tout à coup, on vit s'empourprer son visage, dont un léger nuage de poudre atténuait la coupe rose. Le grand patron bondit vers un chef de rayon et, désignant du doigt un employé, « Que ce garçon-là passe à la caisse et se fasse régler son compte tout de suite !»« Mais, s'écria tout interloqué le chef de rayon, c'est un de mes meilleurs vendeurs. Vous ne voyez donc pas que c'est un rouquin? Je ne veux pas de rouquin au Louvre !» Semblable en ceci à ce personnage d'Andersen qui croyait voir le diable lorsqu'il se trouvait en présence d'un sacristain, Chauchard avait la phobie des roues. Ce fut la première et la dernière fois que je cherchais à le voir. J'allais en effet jusqu'à craindre que si, dans une toile que je lui présenterais, le potentat de la nouveauté apercevait un rappel de la nuance détestée, sa marotte ne le reprit. Car lorsqu'une couleur vous obsède... Je me rappelle de ce soir où, accompagnant Degas et Renoir qui rentraient chez eux, ce dernier, dont on sait la passion pour le rouge, désignant à Degas la lune qui était d'une éclatante blancheur. « Comme il y a du rouge là-dedans !» Mais si je ne devais plus revoir Chauchard, j'ai si bien connu ce singulier personnage par les confidences de plusieurs de ses commensaux que je n'ai pu résister à la tentation de le faire figurer dans ses souvenirs. « Ami Chauchard, quel magicien vous êtes! Dieu a créé les saisons en leur assignant un ordre immuable. Et voilà qu'à votre appel, au milieu des frimas de l'hiver, Flore et Pomone sont accourues, les bras chargés de leurs plus beaux présents. Ainsi le célébraient tous les écornifleurs qui, dans la salle à manger serre, se pressaient autour de lui. Avec délice, l'empereur du blanc s'enivrait de cet encens. Pourtant, il arrivait parfois que le magicien opposât à ses adulateurs une face songeuse qui ne laissait pas de les troubler. Qu'eussent dit ces acharnés turiféraires s'ils avaient su que c'était eux qui, à ces moments-là, occupaient sa pensée? Que c'est précisément alors que s'élaboraient les dispositions testamentaires qu'il allait prendre à leur égard. Rêvant, en effet, de donner à ses familiers un témoignage éclatant et public de leur indéfectible fidélité, le magnat de la rue de Rivoli projetait de les faire précéder son cercueil, chacun d'eux portant dans ses bras l'un des tableaux dont il allait enrichir les musées nationaux. À son légataire universel, au ministre Legge, devait revenir de droit l'Angélus de Millet, lequel, par le prix dont il l'avait payé, plus de 5 millions de notre franc actuel, lui apparaissait sans conteste comme le plus prestigieux de ses tableaux. De même pour les autres officieux, ambassadeurs, capitaines d'industrie, voire rois en exil, il avait à choisir, suivant les règles les plus protocolaires, le tableau qu'il porterait le jour de la cérémonie funèbre. Après le départ de ses hôtes, on aurait pu voir l'amphitryon, un pot de colle d'une main, dans l'autre les photographies de ses convives habituels, passer la revue de ses tableaux, en s'interrogeant « Par qui le Corot ? Par qui le Jules Dupré ?» Si bien qu'un jour, comme dans son incertitude il pestait tout haut, il entendit une voix nasillarde. « Chauchard, tu n'es qu'un couillon !» C'était son perroquet familier, qui répétait la phrase qu'il avait maintes fois entendue son maître proférer rageusement contre lui-même. J'avais appris que les magasins de la Samaritaine avaient distribué, à un premier de l'an, un calendrier où était reproduit en couleur un tableau de Renoir. Cette reproduction était, paraît-il, particulièrement réussie. Toujours curieux des nouveaux procédés de gravure, j'allais à la Samaritaine pour demander s'il ne serait pas possible d'avoir un de ces calendriers. On me promit de faire des recherches. Quand je repassai, on m'apprit que le calendrier en question avait été distribué plusieurs années auparavant, mais qu'on en avait retrouvé un exemplaire. Le chef de rayon ajouta que le propriétaire des magasins de la Samaritaine, M. Cognac, voulait savoir pourquoi je tenais à posséder ce calendrier et qu'il désirait me voir. Au jour qu'on m'avait convoqué, en attendant l'heure d'être reçu, je me promenais dans le magasin. Je remarquai un vieil employé qui ramassait les épingles et les bouts de ficelle qu'il trouvait sur le parquet. Pendant que je regardais distraitement cette petite scène, mon imagination travaillait. M. Cognac s'intéressait évidemment à Renoir, puisqu'il avait fait faire la reproduction d'un de ses tableaux. J'entrevoyais déjà maintes perspectives. Enfin, on vint m'appeler de la part de M. Cognac et on m'introduisit dans son cabinet. Oh, surprise ! Qui vois-je assis derrière un bureau ? Mon vieil employé de tout à l'heure, occupé à trier les menus objets composant la récolte qu'il avait faite. Sans interrompre sa besogne, M. Cognac, car c'était lui, me demanda ce que je voulais faire de ce calendrier. « Il porte mon copyright ?» me fit-il observer. Je lui expliquai que ce n'était pas pour reproduire la gravure, mais qu'on m'en avait vanté le procédé de fabrication. Il me remit le calendrier, et je pus constater que la reproduction du Renoir n'était ni meilleure ni pire que celle de la plupart des chromos destinés à être donnés en réclame. Je crus le moment propice pour lui parler de mes Renoir, de mes Degas, de mes Cézanne. S'il s'agit d'articles pour mes magasins, dit-il, adressez-vous à la proposition. Si, au contraire, vous avez en vue mes collections particulières, j'ai pour cela un démarcheur attitré. Cette déconvenue n'était pas pour m'encourager dans mes tentatives auprès des manias de la nouveauté. Ce fut tout à fait par hasard que je devais me trouver, une autre fois, face à face avec l'un des plus opulents de ces Crésus. Je veux parler du directeur des galeries Lafayette. J'avais acheté dans ce magasin un parapluie que je désirais échanger contre un autre d'un manche différent. Au rayon, l'employé ne me ménagea pas les questions. Quel jour j'avais acheté le parapluie, pourquoi il ne portait plus d'étiquette, etc., quand j'entendis tout à coup. « Comment, monsieur Vollard, c'est vous ?» Mon interlocuteur n'était autre que le président du conseil d'administration des galeries Lafayette, monsieur Bader lui-même, qui, continuant, « Vous n'avez donc pas d'embarras de trésorerie que vous achetez par ce temps de crise ?» À ces seuls mots, je compris que je ne devais pas espérer davantage de monsieur Bader que de monsieur Cognac. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'on me donnât un autre parapluie. Mais alors, changement à vue. L'employé, tout à l'heure si formaliste, se montra tout à coup des plus accommodants. Dans son trouble de me savoir connu du grand patron, ce même employé, si pointilleux, en me tendant un autre parapluie, ne trouva à me dire que ces mots. « Merci, monsieur, à l'avantage !» Un jour, chez Paul Alexis, je vis un effet de neige signé d'un inconnu, quelque chose comme Montillard. Paul Alexis me dit, « Puisque vous achetez des tableaux, vous devriez prendre celui-là. Combien ? 250 francs. Soit. Je me disposais à emporter mon acquisition lorsqu'il m'arrêta. Attendez que j'enlève le cadre. Mais c'est pour le cadre que je l'achète. Je puis même vous laisser la toile. C'est que je tiens au cadre, moi aussi. Mais comment avez-vous pu mettre un pareil tableau dans un cadre de prix ? Un pareil tableau ? Mais son auteur n'est pas le premier venu. Il a fait partie du groupe des impressionnistes. Il a connu intimement Cézanne, Pissarro. Il commençait à m'intéresser, ce Montillard. Un homme qui a connu Cézanne, Pissarro, avait peut-être chez lui des tableaux de ses peintres. « Qu'est-il devenu, votre Montillard ? » demandai-je à Paul Alexis. « Je crois qu'il habite toujours Gif. » Le lendemain, je me rendis à Gif, où je découvris, en effet, le vieil artiste. Je lui dis que j'avais appris, par son ami Paul Alexis, qu'il avait fréquenté des peintres que je connaissais, moi aussi, et dont je possédais des œuvres, Cézanne, Renoir, Guillaumin. Nous échangeâmes quelques propos. « Vous devez bien avoir, lui dis-je, des toiles de vos amis de jeunesse, des Pissarro, des Cézanne. » « Certainement. J'ai des Cézanne, j'ai des Pissarro, j'ai des Vignon. Voulez-vous les voir ?»« Volontiers. Vous ne songez pas à les vendre ?»« Mon Dieu, oui. Seriez-vous acheteur ?»« Je ne dis pas non. Attendez. » Il alla dans la pièce voisine et en rapporta une dizaine de toiles. « Donnez-moi 1200 francs et vous emportez le tout. » Je m'empressai d'accepter. Au même instant, une voix de femme l'appela. Il passa dans la pièce voisine et j'entendis ces mots. « Tu as l'argent ?»« J'ai l'argent, il n'a pas marchandé. C'est bien mieux que la dernière cote. » J'étais fort intriguée. Qu'était-ce, cette cote des tableaux ? Pendant que Montillard roulait les toiles, je poursuivis la conversation. « À propos, si vous avez la cote sous la main, « je voudrais bien avoir un renseignement pour les ciseler. » Il tira de sa poche un papier imprimé qui ressemblait à une épreuve de journal et sur lequel on lisait. « Cote des impressionnistes. Les Renoirs sont en recul. pas de demande sur les ciselés. Quelques pissarots et un Cézanne offerts en baisse de 10%. Marché nul sur les vignons. Marché lourd sur les monnaies. Où s'abonne-t-on à cette cote ? Demandai-je, au comble de l'étonnement. Je n'en sais rien. C'est un vieil ami dans la presse qui me la passe. Revenu à Paris, j'allai porter mon acquisition chez le rentoileur. J'ai trouvé ces tableaux à Gif, lui dis-je. À Gif ? Là-bas, j'ai un client, un journaliste. Voilà 5 ou 6 ans qu'il me parle de tableaux de Cézanne et de Pissarro que possède un de ses amis. J'ai imaginé un truc, m'a-t-il raconté, pour les avoir, un jour à bon compte, et je crois que je pourrai bientôt vous les apporter à rentoiler. Ce serait drôle si c'était justement cela. Je laisse à penser la tête que dut faire l'astucieuse amie lorsque, arrivant avec une cote encore plus décevante que les précédentes, il entendit Montillard lui dire, tout triomphant, « Imaginez-vous qu'un innocent !» Quelques semaines plus tard, je vis, chez un marchand de tableaux, dans un état de grande agitation, quelqu'un qu'on me dit être Aurélien Scholl. « Qu'avez-vous ? » lui demanda-t-on. « Croiriez-vous qu'un exploiteur vient de dépouiller un vieil artiste de mes amis de tout un lot de Cézanne et de Pissarro ?» Il ne faut jamais essayer de guider l'amateur. On doit se garder de lui expliquer le sujet, de lui indiquer dans quel sens il faut regarder la toile, etc. À ce propos, il me souvient qu'un collectionneur m'avait envoyé la photographie d'un tableau. « Je voudrais, m'écrivait-il, un pendant à cette toile cubiste que je vous ai achetée jadis et dans laquelle j'ai reconnu un paysage de Castille. Je n'ai jamais vu rendre, pareillement, l'atmosphère de ce pays. » Sans plus tarder, je lui écrivis pour lui expliquer que la toile ne représentait pas un paysage, mais un homme jouant de la guitare. Je m'attendais à ses remerciements, mais ce fut la toile qui me fut retournée. Autre exemple de l'influence que le titre du tableau peut exercer sur l'amateur. Je faisais de Cézanne une exposition où figurait une toile de plein air représentant des femmes nues, voisinant avec un personnage qu'à son accoutrement on pouvait prendre pour un pâtre. La toile avait été placée dans un cadre dont j'avais oublié d'enlever l'ancien cartouche, lequel portait Diane et Actéon. Dans les comptes rendus de la presse, le tableau fut décrit comme s'il s'agissait réellement du bain de Diane. Un critique d'art vanta même la noblesse d'attitude de la déesse et l'air pudique des vierges qui l'entouraient. Notamment, il admirait le geste de la suivante qui, à l'entrée de la clairière, étendait le bras comme pour dire « Va-t'en !» Et il ajoutait « On reconnaît bien là le geste irrité de la Vierge offensée. » Ce tableau plut beaucoup à l'un de mes clients. « Si je n'avais pas déjà, me dit-il, une importante Diane au bain de Tasserte, voilà une toile qui prendrait le chemin de mon appartement. » À quelque temps de là, on me demanda pour une exposition une tentation de Saint-Antoine, de Cézanne. Je l'avais promise, mais ne pus l'envoyer, cette toile entre-temps ayant été vendue. J'expédiai à la place le prétendu Diane et Actéon, le cadre cette fois ne portant aucune désignation. Mais, comme on attendait une tentation de Saint-Antoine, c'est sous ce titre que le tableau promis par moi avait été inscrit au catalogue. De telle sorte qu'une revue décrivit l'œuvre comme s'il s'agissait vraiment d'une tentation de Saint-Antoine. Là où on avait loué précédemment l'attitude si noble de Diane, le critique d'art de la revue découvrait le sourire ensorceleur, en même temps que perfide, d'une fille de Satan. Le geste d'indignation de la suivante s'était transformé en invitation séductrice. Le pseudo-Actéon devenait un pathétique Saint-Antoine. Le dernier jour de l'exposition, je vis arriver l'amateur qui avait refusé le tableau quand il était baptisé Diane et Actéon. Il tenait à la main la revue dont je viens de parler et, tout triomphant, « Je viens d'acheter cette tentation, c'est d'un réalisme saisissant !» Quand je revis Cézanne, je lui racontai les avatars de son tableau. « Mais il n'y a pas de sujet, j'ai simplement essayé de rendre certains mouvements. » Voici encore un exemple qui montre à quel point on peut être le jouet de son imagination devant un tableau. J'avais présenté à un client deux études de Cézanne. Et lui, tout de suite, « Oh, je ne veux plus de ces machines où il reste des blancs !» Quelques mois plus tard, ce client me demanda de passer chez lui. « J'arrive de Budapest, m'apprit-il. 6 jours de chemin de fer, c'est dur, mais je rapporte ces 2 merveilles. » Je n'eus pas de peine à reconnaître les 2 tableaux qu'il avait dédaignés naguère chez moi. L'amateur continua. « Il dégote les vôtres, hein ?» C'est un marchand de Berlin qui a servi d'intermédiaire. Votre confrère de Budapest a été très arrangeant. Il m'a pris un Renoir de la mauvaise époque. Et, comme Soult, à peine le double de ce que vous m'aviez demandé pour vos 2 esquisses. Ah, je vois ce que vous allez me dire. Dans mes Cézanne, il y a aussi des parties blanches, d'accord. Mais dans ceux que vous m'aviez présentés, c'était du pas fini. Tandis que les blancs dans les miens, c'est du voulu. Du reste, nous comparons. Ah, il est trop tard, répondis-je. J'avais envoyé mes tableaux en communication à l'étranger et on vient de m'informer qu'ils ont été vendus à un collectionneur parisien. Ce qui serait drôle, c'est qu'il s'agit de quelqu'un qui n'en aurait pas voulu chez vous et qui les aurait achetés sans les reconnaître. Et comme je souriais, n'est-ce pas que c'est ça? Mais je me retranchais derrière le secret professionnel. On ignore généralement qu'un tableau peut avoir un effet thérapeutique. Je me rappelle un collectionneur qui, au cours d'une grave maladie, tomba dans une prostration d'où les médecins ne parvenaient pas à le tirer. Une sommité médicale qu'on avait, en désespoir de cause, appelée en consultation, ne cacha pas ses craintes. Si cette torpeur persiste, on doit s'attendre au pire. Seule une commotion pourrait provoquer la réaction favorable. Si on lui annonçait brusquement la mort d'un de ses proches, suggéra le médecin traitant. Sur quoi, la femme du malade? Si on lui disait, par exemple, que maman est très mal, il aimait beaucoup sa belle-mère. Se penchant vers son client, le docteur lui cria. « Votre belle-mère est morte, subitement !» Le malade parut accueillir cette révélation avec la plus parfaite indifférence. « Aucune réaction, madame. » Alors, la vieille femme de chambre, intervenant, « Madame, je crois bien que c'est à ces tableaux que monsieur tenait le plus. »« Quoi? Il a une passion ?» s'écria le médecin. « Il y a quelque chose à essayer de ce côté-là. » Et à la domestique, « Savez-vous quel est celui des tableaux que votre maître préférait ?» « C'est celui-là, » répondit-elle sans hésiter, en désignant des tournesols de Van Gogh placés en face du lit. Monsieur était toujours à me dire, quand il me voyait le plumeau à la main, « Maria, faites bien attention à mon Van Gogh !»« Très bon, ça. Eh bien, nous allons faire semblant de le vendre. » Un marchand, mis dans la confidence, vient gravement examiner le Van Gogh, l'estime, le discute, le décroche. Le malade, qui avait suivi la scène avec les marques d'une croissante agitation, se dresse à demi sur son lit où il retombe en sanglotant. « Sauvé !» dit le médecin. Il arrive, par contre, que la passion de collectionner exerce une influence funeste, comme il arriva à cet amateur dont le médecin disait à la famille. L'état de neurasthénie où est tombé votre parent tient à l'émotion que lui cause la dépréciation de ses Claude Monet. Il faudrait qu'il liquidât au plus tôt sa collection. Une autre fois, un père de famille racontait dans mon magasin que son fils avait mangé, avec des filles, le million qu'il avait touché de l'héritage de sa mère. Et, comme M. de Camondo, qui était présent, observait que si, au lieu de faire la noce, il avait acheté de l'impressionnisme, en quelques années, il eût triplé son million. « Eh bien, repartit le père, mon garçon a mangé un million. Il a peut-être manqué d'en gagner trois, mais du moins, au lieu d'être toujours anxieux à cause de la cote de ses impressionnistes, il est resté gai. » Un jour, j'entends sonner à la porte de mon appartement, rue de Grammont. C'était un visiteur tout essoufflé d'avoir monté mes quatre étages. « Je veux voir de la peinture, me dit-il, mais je suis très pressé. Je pars dans une heure pour Nice. Le carnaval commence demain. » Nous allâmes en hâte à mon magasin. Là, sans le moindre embarras, « Montrez-moi avant tout, me dit-il, le petit endroit, car lorsque je n'ai pas la vessie libre, je ne possède pas tous mes moyens. » Ces préliminaires nous avaient déjà pris un quart d'heure. Il lui en fallait un autre pour aller à la gare. Il nous restait donc une demi-heure, durant laquelle il acquit un lot respectable de Gauguin, de Daumier, de Renoir. Il me donna un acompte, me laissa sa carte et regagna son fiacre en dandelinant de la tête. Dans la rue, un joueur d'accordéon étirait une ritournelle. Quelqu'un qui arrivait au magasin me dit, en le désignant, « C'est sûrement un Viennois. Ces gens-là sont transportés lorsqu'ils entendent un air de musique. » C'était un Viennois, en effet. Au bout de quelques mois, n'entendant plus parler de rien, je lui écrivis que j'attendais ses instructions pour lui expédier ses tableaux. Il me répondit par une lettre des plus aimables, dans laquelle, d'un bout à l'autre, il me vantait le charme de Paris. Mais pas la moindre allusion à ses achats. Je l'ai lui rappelé deux ou trois fois, et chacune de ses réponses me semblait de quelqu'un qui cherchait à se dérober. J'avais presque décidé d'aller voir sur place ce qu'il en était, lorsque se produisit une sensible hausse sur les tableaux que j'avais vendus à ce client. Je m'empressai de lui annoncer la bonne nouvelle, tout en lui laissant entendre qu'il ne devait plus différer davantage le règlement de l'affaire, puisqu'il en faisait une si bonne. Il me répondit qu'il allait arriver à Paris et que nous déjeunerions ensemble. Nous fîmes, en effet, un excellent déjeuner, place de la Madeleine. Mon Viennois était accompagné d'une femme fort jolie et de la plus grande amabilité. Ils m'invitèrent pour le soir même au théâtre. Après le spectacle, il me fallut accepter à souper. Mon amphitryon se montrait de plus en plus expansif. Soudain, il se leva et, me saisissant les deux mains, « Écoutez, cher ami, je ne puis supporter l'idée que je vous fasse du tort en profitant de la hausse sur mes tableaux. Je suis tout disposé à rompre notre marché. » Cette proposition ne me surprit qu'à moitié. Sans doute prenait-il pour une ruse de marchand la hausse que je lui avais annoncée. Je me ferais scrupule d'accepter un pareil désintéressement. N'en ayez aucun, je suis décidé. Alors c'est bien parce que vous le voulez. J'avais sur moi mon carnet de chèques. Je rendis à mon client l'acompte qu'il m'avait versé. Il l'empocha avec satisfaction, comme quelqu'un qui se sent délivré d'un poids. Pour lui rendre sa politesse, je conviai à mon tour le Viennois à déjeuner pour le lendemain. Il avait dû se renseigner sur ce que valaient maintenant ses tableaux, car, au dessert, me prenant les deux mains, « Cher ami, je ne voudrais pas qu'il restât un malentendu entre nous. Laissez-moi reprendre mes tableaux. » « Soit, mais à quel prix? Je vous ai prévenu qu'ils avaient beaucoup monté. » Mon client n'insista plus. Quelques jours plus tard, quelqu'un me disait « Je viens de voir un Viennois furieux après vous. Il dit que vous l'avez joliment arrangé. » J'étais dans mon magasin, occupé à lire, quand entra quelqu'un. Comme il demeurait silencieux, je continuai ma lecture. On m'a représenté, tantôt embusqué derrière ma porte, prêt à bondir sur le client, tantôt poussant quasiment dehors l'audacieux, venu avec la prétention d'acheter. Je ne saute pas sur les clients, et je ne les mets pas non plus à la porte. Ayant remarqué que le nouvel arrivé regardait, de temps en temps, dans la rue, je finis par m'informer s'il attendait quelqu'un. J'attends que la pluie cesse. En effet, à la première éclaircie, il partit. Je ne fus pas peu surpris de le revoir le lendemain. Pouvez-vous me dire quel est le plus grand peintre d'aujourd'hui ? Me demanda-t-il brusquement. Et, comme je demeurais interloqué, le plus grand peintre, c'est Steinlen. En avez-vous des Steinlen ? Je lui montrai quelques pastels. Il les acheta séance tenante. Et, aussitôt, pourriez-vous m'en procurer d'autres ? Revenez ce soir, j'espère que j'en aurai. Dans l'après-midi, j'allai chez Steinlen. Il fumait sa pipe près de cartons pleins de dessins. Je lui achetai le tout. À mon retour rue Lafitte, j'aperçus mon amateur qui faisait les 100 pas devant la porte. Venant au-devant de moi, « Vous en avez ? Donnez vite !» Le lendemain, il revint encore. Il avait cette fois l'air grave. « J'ai fait une grande découverte. Le meilleur peintre, ce n'est pas Steinlen, c'est Morin. J'ai vu un tableau de lui qui n'était malheureusement pas à vendre. Cela vaut presque un ingre. En avez-vous ? J'en possède quelques-uns. » Avidement, il s'empara de ce que je lui montrais. Et, insatiable, c'est que j'en voudrais d'autres. Je pense que je pourrais m'en procurer. Revenez ce soir, vers 6 heures. J'allai chez Morin et acquis tout ce qu'il avait. Quand je fus de retour, le client qui m'attendait, sans même me laisser ouvrir le paquet de toiles que j'apportais, me paya la somme que je lui demandais. Quelques jours plus tard, je recevais la visite de Morin. « Je puis désormais, me dit-il, accepter des commandes en n'importe quelle quantité. Je viens d'imaginer un moyen pour produire très vite. Je trace les contours et, avec une sorte de vaporisateur de mon invention, je projette les couleurs sur le dessin. » Il ne voulut pas me donner d'autres détails sur son invention, de crainte apparemment qu'on ne la lui chie pas. Je restai un certain temps sans nouvelles de mon amateur, quand, un beau jour, je le vis arriver tout bouleversé. Décidément, Morin n'est pas le plus grand peintre. Mais en vérité, qui est le plus grand peintre ? À vrai dire, lui répondis-je, il n'y a pas le plus grand peintre, il y a les plus grands peintres. Cézanne, Renoir, Monet, Degas. Il m'arrêta. Quand j'entends trop de noms à la fois, ça me brouille la cervelle. Et il tomba dans une rêverie. Comme son mutisme se prolongeait, Rabelais, suggérai-je, conseillé dans les cas embarrassants, de s'en rapporter aux dés. J'ai juré à ma sœur de ne jamais toucher ni aux cartes ni aux dés. Mais si on mettait des noms dans un chapeau et qu'on tirât au sort, ce n'est ni les dés ni les cartes, cela. Il goûta mon idée. Et, sur des bouts de carton, il inscrivit les noms que je lui dictais. Cézanne, Renoir, Degas, Monet, Gauguin. Après avoir bien agité les noms dans le chapeau, à notre grande surprise, il en sortit un qui n'y avait pas été mis. Voici ce qui était arrivé. Mon client avait pris machinalement sur la table un cartouche qui portait le nom de Van Gogh et l'avait mis dans le chapeau avec les autres. Néanmoins, il voulut que le peintre des tournesols comptât aussi. J'entends une voix intérieure qui me dit qu'il faut suivre ce que le hasard a décidé. Ma sœur m'a recommandé d'écouter toujours mes voix intérieures. Et il choisit quelques-uns de mes plus importants Van Gogh. Il voulut recommencer à tirer au sort. Cette fois, ce fut le nom de Cézanne qui sortit. Il en prit plus de 30. En me quittant, il me promit de repasser sous peu, mais je ne devais pas le revoir. Quelques années plus tard, un Hollandais, de passage à Paris, me dit au cours de la conversation, nous avons à La Haye un type dont l'histoire n'est pas banale. Comme il fuyait le monde et ne parlait à personne, il s'est acquis la réputation d'un esprit profond. Ses parents lui avaient confié leur fortune à gérer. Après un long séjour à Paris, il revint au pays avec des caisses pleines de tableaux. Mais il n'avait plus que quelques florins en poche. On soumit les acquisitions à des experts. Ceux-ci furent unanimes à déclarer que si, dans le lot, les tableaux anciens, ou soi-disant tels, dénotaient simplement un parfait ignorant, par contre les toiles modernes, elles, ne pouvaient avoir été acquises que par un fou. Des médecins aliénistes ayant été consultés, l'amateur fut interné. « Tiens, pensais-je, est-ce que ce ne serait pas mon Hollandais ?» C'était lui, en effet. À la mort de ce singulier personnage, environ 10 ans plus tard, les parents se hâtèrent de liquider tout le stock d'étoiles auquel la loi n'avait pas permis qu'on touchât pendant son internement. Lors de la vente, un Van Gogh dépassa 30 000 francs. Les Cézanne avaient été mis de côté de peur d'effrayer le public. Quand on se décida à les montrer, les plus grands collectionneurs se les disputèrent. La nouvelle s'en répandit et échauffa à ce point les têtes que certains en vinrent à croire que les fous avaient un flair particulier pour découvrir la peinture qui fera de l'argent. Là-dessus, le croirait-on, une société se constitua, réunit un capital et fit choix d'un simple d'esprit qu'on expédia à Paris, accompagné d'un délégué chargé d'acheter les tableaux que désignerait l'innocent. Mais celui-ci montra pour la peinture une si totale indifférence et se refusa si énergiquement à toute visite des expositions, galeries ou ateliers, que l'on dut renoncer à poursuivre l'expérience. Autre exemple de l'idée que certains peuvent se faire de la peinture qui se vend. Cette fois, il s'agit non plus d'acheter des tableaux, mais d'en faire. J'ai connu un enfant dont l'intelligence restait atrophiée. Comme les parents s'inquiétaient de l'avenir de leur progéniture, quelqu'un conseilla de le lancer hardiment dans la peinture. Devant l'effarement des parents, « Mais oui, à l'hôtel des ventes, c'est la peinture des piquets qui fait les plus hauts prix !» Une difficulté surgit. Le gamin avait l'esprit de contradiction. On imagina alors de mettre, à portée de sa main, des toiles, des pinceaux, des couleurs, avec défense d'y toucher. Le jeune insubordonné s'empara aussitôt des toiles et les couvrit de couleurs. Quand sa production fut jugée suffisamment abondante, le père et la mère allèrent trouver le directeur d'une galerie dite d'avant-garde et lui dirent « Nous venons vous montrer de la peinture de fou. » Mais, quand le marchand eut jeté les yeux sur ceux qu'on lui apportait, « Dites donc, est-ce que vous vous fichez de moi ? Ce n'est pas de la peinture de fou, ça. La peinture de fou, c'est quand on ne peut pas savoir si c'est une figure, un paysage ou une nature morte. Tandis que là, on voit très bien ce que ça représente. » Le couple était consterné. « Nom de Dieu !» s'écria le père. « Voilà près de 1 500 francs de toiles et de couleurs de foutus !»